Et maintenant, contrôlez vos connaissances. D'accord. Écoutez le français, puis dites l'anglais. Listen to the French, then say the English. Et après la bonne réponse, and after you hear the correct answer, repeat it. Bien sûr. Nous commençons. N'est pas attribué. Is not in use. Que. That. Ce n'est pas le bon numéro. It's not the right number. Vous demandez. You are asking for.